Donc, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On est toujours dans le chapitre, dans le livre Al-Ijabat al-Muhimma, fil Mashakil al-Mulimma, qui est un recueil de fatwa de Cheikh Al-Fawzan, dans le volume 1. Et c'est au sujet de l'avertissement, au sujet des méthodologies de certaines personnes qui sont en contradiction avec la voie de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on est dans la partie 48, dans cette partie-là. Le cheikh, on lui a posé la question suivante. As-su'al, qabla sanawatin sadarat fatwa min samahat al-sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, hawla du'at al-batil ka Usama ibn Laden wa ghayrihi. Wa hadha mudawwanun fi kutubi samahatihi. ولكن ظهر في هذا الوقت من يشكك في هذه الفتوى ويقول أنها غير صحيحة ولا تنسب إليه ولا يقول هذا الكلام مسلم أبدا فما هو الموقف من هذا التكذيب الصريح الذي جاء بعد وفاة سماحته رحمه الله الجواب ما كان موجودا في كتب الشيخ وفتاويه فلا مجال للإنكار أو لإنكار أنه صادر عنه لأن ما دون في كتبه وفتاويه قد قرئ عليه قبل طباعته وهو موجود في الأشرطة التي سجلت كلامه وهي موجودة ومحتفظ بها Donc, ça c'est une question et une réponse du Cheikh Al-Fawzan à propos de, du fait que la personne qui pose la question, elle dit, depuis quelques années, on a vu une fatwa qui est sortie de la part de son éminence, le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, au sujet de certaines personnes qui appellent à la fausseté. Des du'atul batil, des gens qui appellent à ce qui est faux, comme Osama bin Laden et d'autres. Et ça, ces fatwas-là sont présentes dans les livres du Cheikh bin Baz. Hein? Mais on a vu apparaître à notre époque des gens qui mettent en doute cette fatwa et qui disent qu'elle n'est pas correcte et qu'on ne doit pas attribuer cette fatwa à Cheikh bin Baz. Et qu'aucun musulman ne peut dire une parole semblable. Alors, quelle est la position qu'on doit adopter vis-à-vis de cette négation qui est explicite et claire de la part de ces gens-là qui nient la parole de la fatwa du Cheikh après sa mort, rahimahullah. Et donc, le Cheikh Al-Fawzan, il a répondu, il a dit quoi? Il a dit, ce qui est présent dans les livres de Cheikh bin Baz, et dans ses fatwas, personne ne peut le nier que ça vient de lui. Personne ne peut nier que ça vient de lui. Parce que qu'est-ce qui a été écrit dans ses livres et dans ses fatwas, avant de l'imprimer, avant de le publier, ça a été relu au cheikh. C'est-à-dire, le cheikh, quand il a dit quelque chose, ça a été écrit, avant de le publier, de l'imprimer, on lui a relu ses paroles, hein, pour qu'il accepte ou qu'il confirme ou non cette parole, avant de la publier. Et ces paroles-là sont présentes dans des cassettes enregistrées. Hein? Donc, ces cassettes-là sont présentes et elles sont préservées. Donc, ça, c'est la parole de Cheikh Al-Fawzan au sujet de cette fatwa. Maintenant, le Cheikh qui a rassemblé les fatwas de Cheikh Al-Fawzan dans ce livre, en note de bas de page, il a mis la fatwa de Cheikh bin Baz au sujet de ces personnes. Donc on va la lire ensemble, inshallah. Wa hadhihi nass fatwa samahat al-Sheikh ibn Baz rahimahullah fi du'at al-batil. Qala rahimahullah ta'ala, amma ma yaqumu bihi al-an Muhammad al-Mas'ari wa Sa'd al-Faqih wa ashbahihima min nashir ad-da'wat al-fasida ad-dalla. Fahadha bila shak sharrun 'azim. وهم دعاة شر عظيم وفساد كبير والواجب الحذر من نشراتهم والقضاء عليها وإتلافها وعدم التعاون معهم في أي شيء يدعو إلى الفساد والشر والباطل والفتن، لأن الله أمر بالتعاون على البر والتقوى لا بالتعاون على الفساد والشر ونشر الكذب ونشر الدعوات الباطلة التي تسبب الفرقة والاختلال واختلال الأمن إلى غير ذلك. وهذه النشرات التي تصدر من الفقيه أو من المسعري أو من غيرهما من دعاة الباطل ودعاة الشر والفرقة يجب القضاء عليها وإتلافها وعدم الالتفات إليها، ويجب نصيحتهم ويجب نصيحتهم وإرشادهم للحق وتحذيرهم من هذا الباطل، ولا يجوز لأحد أن يتعاون معهم في هذا الشر، ويجب أن ينصحوا وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يدعوا هذا الباطل ويتركوه. ونصيحتي للمسعري والفقيه وابن لادن وجميع من يسلك سبيلهم أن يدعوا هذا الطريق الوخيم، وأن يتقوا الله، وأن يحذروا نقمته وغضبه، وأن يعودوا إلى رشدهم، وأن يتوبوا إلى الله مما سلف منهم. والله سبحانه وعد عباده التائبين بقبول توبتهم والإحسان إليهم، كما قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. مجلة البحوث الإسلامية العدد 50 صفحة 8 إلى 18، ومجموع فتاوى ومقالات للشيخ ابن باز الجزء 9 صفحة 100. دونك الشيخ ابن باز il a dit ça justement dans son مجموع فتاوى le volume 9 à la page 100. On peut retrouver cette fatwa du Cheikh Ibn Baz qu'il a mentionné contre les gens qui appellent à la fausseté. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah? Il dit: en ce qui concerne ce que font les gens aujourd'hui comme Muhammad al-Mas'ari et Sa'd al-Faqihi, Muhammad al-Mas'ari, c'est un médecin qui était en Arabie Saoudite, et il s'est enfui de l'Arabie Saoudite et est allé se réfugier en Angleterre. Avec, un peu comme l'autre là, Mohamed Zain Abidine Sourour, comme Mohamed Sourour, la même chose. Il quitte l'Arabie Saoudite, le pays du Tawhid, pour aller se réfugier chez les mouchriquins et les kuffars en Angleterre. Donc, ça c'est l'exemple de Mohamed Al-Mas'ari et de Sa'd Al-Faqih, un autre encore. Et de ceux qui leur ressemblent, qui font propager une da'wa corrompue et égarée. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est un grand mal. Et ce sont des gens qui appellent à un grand mal et qui appellent à un grand désordre. Et il est obligatoire de prendre nos précautions et nos gardes vis-à-vis de ce qu'ils propagent, et qu'il faut complètement l'arrêter et qu'il faut complètement détruire ce qu'ils font, et il ne faut pas collaborer avec eux dans quoi que ce soit de ce qu'ils font comme invitation au désordre et au mal et à la fausseté et à la tribulation et au fitan. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de nous entraider dans la piété, dans la bonté et dans la piété, et non pas de nous entraider dans la corruption et dans le mal et dans la propagation du mensonge et dans la propagation des fausses invitations, des choses qui sont fausses et qui causent de la division et qui nuisent à la sécurité et autre chose de ce genre. Parce que parmi les choses que Muhammad al-Mas'ari avait propagées à l'époque, c'était qu'il avait appelé à faire une organisation pour la défense des droits en Arabie Saoudite, qui était située en Angleterre. Et donc lui, il accueillait toutes les plaintes et les critiques qui étaient faites au sujet des droits ou des trucs de droits de l'homme en Angleterre, puis il utilisait ça comme, contre l'Arabie Saoudite par la suite. Au lieu de se référer, et Ali, bien entendu, au système qui existe déjà et de se référer aux ulama et ainsi de suite, hein, il a fait ça de cette manière-là. Et il est allé se réfugier chez qui pour faire ça? Chez les kuffar. Donc, les ulama l'ont critiqué et l'ont réfuté là-dessus. Cheikh Ibn Uthaymeen, même, il a parlé contre Al-Mas'ari et contre qu'est-ce qu'il a fait, Lajnat al-Huquq, et justement, lorsque c'est arrivé, il y a certains même qui étaient assis dans sa présence, qui essayaient de trouver des excuses ou des arguments pour défendre Al-Mas'ari, et le cheikh, il l'a réfuté directement, lorsque cette personne commençait à essayer de les défendre. Donc ça, c'est un exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Ensuite de ça, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et ces différentes propagandes qui sont propagées, et les choses qu'il distribue, distribuées de la part de Saad al-Faqih et de Muhammad al-Mas'ari, ou d'autres que ces gens-là, parmi les gens qui appellent à la fausseté et qui appellent au mal et à la division, il faut les stopper, absolument. Et il faut détruire qu'est-ce que ces gens-là sont en train de propager et ne pas se tourner vers qu'est-ce qu'ils distribuent et vers qu'est-ce qu'ils propagent. Et c'est obligatoire de leur donner la nasiha et de les orienter vers la vérité et de les avertir de ce qu'ils font comme fausseté. Et il n'est pas permis à quiconque de collaborer avec eux dans ce mal. Et il est obligatoire de leur donner le bon conseil, la nasiha, pour qu'ils reviennent à leur droiture et pour qu'ils laissent cette fausseté et qu'ils l'abandonnent. Et donc, mon conseil pour Al-Mas'ari, pour Al-Faqih et pour Bin Laden et tous ceux qui suivent leur voie, c'est qu'ils abandonnent et qu'ils laissent cette voie, cette mauvaise voie qu'ils ont prise, et qu'ils craignent Allah et qu'ils fassent attention à la colère et à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et à son courroux, et qu'ils reviennent à leur droiture et qu'ils se repentent à Allah de ce qu'ils ont fait préalablement. Et Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ses serviteurs repentants qu'il acceptera leur repentance et qu'il leur fera preuve de bonté s'ils se repentent. Hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Ô mon serviteur qui a transgressé contre lui-même, ne perdez pas l'espoir en la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Certes, Allah pardonne tous les péchés et il est le pardonneur et le miséricordieux. Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que vous vienne un châtiment et que vous ne seriez pas secourus. » Le verset 54 dans Surat Az-Zumar. Et le verset 31 dans Surat Nour. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, pour que vous puissiez avoir le succès. Donc ça, c'est un exemple de la parole de Cheikh Ibn Baz à propos de Ibn Laden et à propos de Al-Mas'ari et Saad al-Faqih et ceux qui avaient une da'wah semblable. Maintenant, on va lire une autre fatwa à propos de Muhammad Surur Zain Abidin. Hein? Il dit, on a posé la question au Cheikh, قرأت كتابا اسمه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لمؤلفه محمد سرور زين العابدين قال فيه نظرت في كتب العقيدة فرأيت أنها كتبت في عصر وكتبت في غير عصرنا وكانت حلولا لقضايا ومشكلات العصر التي كتبت فيه ولعصرنا مشكلاته التي تحتاج إلى حلول جديدة ومن ثم فأسلوب كتب العقيدة فيها كثير من الجفاف لأنها نصوص وأحكام ولهذا أعرض عنها الشباب وزهدوا فيها فما تعليق فضيلتكم على هذا الكلام. Donc le cheikh, on lui a posé la question. J'ai lu un livre dont le titre est La méthodologie des prophètes dans la da'wa à Allah, et son auteur est Muhammad Surur Zain al-Abidin. J'ai lu dans ce livre qu'est-ce qu'il a dit. Voici ce qu'il dit. Donc voici ce que dit Muhammad Surur. Donc vous allez voir qu'est-ce que dit Muhammad Surur dans ce livre. Il dit, j'ai regardé dans les livres de Aqidah. Ça, c'est les paroles de Mohamed Sourour. Il dit, j'ai regardé dans le livre de Aqidah. Et j'ai vu que c'était écrit pour une autre époque. C'était pas écrit pour notre époque. Et qu'il y avait des réponses à des problèmes de l'époque dans lesquelles ils ont été écrits. Pour les problèmes pour l'époque dans lesquelles ces livres-là ont été écrits. Et notre époque a des problèmes qui nécessitent des solutions nouvelles. Et donc, le style, ou plutôt le style des livres de Aqidah, quand on regarde dans ces livres, il y a beaucoup de sécheresse. C'est des livres sèches, ils sont sèches. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils contiennent des versets et des hadiths, hein? Et des règles. Donc lui, il considère que ça, c'est ça qui fait que le livre, il y a qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-jafaf, c'est-à-dire quand quelque chose est sec. Hein? Et il dit, c'est pour ça que les jeunes s'en sont détournés. Les jeunes se sont détournés des livres de Aqidah parce qu'ils sont sèches. Pourquoi ils sont sèches? Parce qu'il y a des versets, des hadiths et des règles dedans. C'est grave de dire une parole comme ça. Donc il dit donc, quel est votre commentaire au sujet de cette parole? Donc le cheikh, il demande au cheikh, c'est quoi son commentaire au sujet de la parole de Mohamed Sourour? Cheikh, il répond, il dit, لماذا نستورد أفكارنا من الخارج ولماذا نستورد من محمد سرور زين عابدين في لندن أو غيره هذه الأفكار. Le cheikh dit, pourquoi donc on va ramener des idéologies de l'extérieur? Et pourquoi on va ramener des idées de Mohamed Zain Abidin Sourour, qui est en Angleterre, à Londres, hein? On va ramener des idées de celui-là. Mohamed Zain Abidin Sourour, hein? C'est lui qui est à la base de la firqa, ou de la secte qu'on appelle les Sourouriyas. Okay? Et les Sourouriyas, comment on l'a expliqué? C'est des gens qui se donnent l'apparence des salafis, en extérieurement. Tu les vois souvent avec la barbe, avec le qamis. Et il parle parfois même de certains aspects de la aqidah qui a rapport avec la aqidah salafia, comme par exemple l'affirmation des attributs d'Allah, ou bien que certains aspects, disons, de tawhid al-ibadah, des choses comme ça. Ils vont en parler, hein? Mais bien entendu, ils vont, hein, se concentrer sur al-hakimiyya. Qu'est-ce qu'ils appellent al-hakimiyya? C'est-à-dire de faire le takfir des dirigeants en se basant sur l'idée qu'ils n'appliquent pas la charia d'Allah et des choses de ce genre. Sans détailler et clarifier la question comme les ulama des salafs l'ont clarifié. Et en même temps, tu les vois qui dénigrent les ulama, qui les insultent. Et en même temps, qui défendent les gens de bid'ah et qui les honorent et qui interdisent aux gens de les critiquer. Hein, et qui s'allient avec eux. Donc ils sont doux avec les gens de bid'ah et durs contre les salafis, hein, et ainsi de suite. Et ils combattent souvent même le fait de se dire salafi. Ils ont quelque chose contre ça, hein. Et quand on critique des gens de bid'ah devant eux, ils commencent à dire que ça c'est de la médisance, ou que ça c'est basé sur la jalousie, ou que ça c'est parler dans le dos, ou des choses de ce genre, parce qu'ils n'ont aucune connaissance ou compréhension de ce principe-là dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne savent pas que pour défendre la religion d'Allah et pour protéger l'islam et pour réfuter les gens de bid'ah, que c'est permis de parler dans le dos et que ça ne fait pas partie de ce qui est interdit. Bien au contraire, c'est même obligatoire. Et on voit que ils disent, si tu mets en garde contre des gens d'innovation, il ne faut pas dire le nom, il faut juste réfuter l'idée. Alors qu'on voit ici que dans la question, la personne a cité le nom de Mohamed Zain Abidin Sourour, et le cheikh, dans la réponse même, il a mentionné le nom de Mohamed Zain Abidin Sourour. Et parmi ceux qui étaient avec Mohamed Sourour dans sa da'wah, il y a par exemple Salman Al-Aouda en Arabie Saoudite, celui qui a fait une grosse fitna en Arabie Saoudite à l'époque de la guerre du Golfe, et Safar Al-Hawali, la même chose. Hein? Ces deux-là ont été interdits de donner des cours et emprisonnés par l'ordre de Cheikh Ibn Baz, hein? qui a ordonné que ces gens-là soient stoppés et qu'on les interdise d'enseigner ou de propager leurs cassettes ou de donner des cours, et qu'il il a ordonné de les enfermer, de les arrêter, pour les protéger contre eux-mêmes et pour protéger la société contre eux. Et ça, ça fait partie des comportements que les ulama ont mentionnés qu'on doit adopter envers les gens qui appellent à la corruption et au désordre dans la société, ou qui appellent à, et qui invitent à la bid'ah. Hein? Et Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il a appliqué ça à son époque avec Sabir ibn Asal. Il l'a enfermé. Hein? Et donc ça, ça fait partie du manhaj des salafs envers les gens de bid'ah. Hein? De les stopper, de les arrêter, de les enfermer. Alors qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire? Ils ont dit, ah regardez, et même ici on entendait ça. Il y en a qui disent, ah les vrais savants en Arabie Saoudite, c'est ceux qui sont en prison. Et ils accusaient et insultaient les grands ulama comme Cheikh Ibn Baz, qui ont ordonné justement de le faire enfermer. Parce qu'il était en train d'appeler à une voie de désordre et de corruption. Hein? Donc ça, ça fait partie des exemples de ce manhaj de ces gens-là. Donc ici, ils ont dit ensuite, لماذا لا نرجع إلى الكتب لماذا نستورد من محمد سرور زين عبدين في لندن أو غيره هذه الأفكار لماذا لا نرجع إلى الكتب التي بين أيدينا من كتب السلف الصالح وكتب علماء التوحيد التي صدرت عن علماء ولم تصدر عن كاتب أو مثقف لا يدرى عن مقاصده ولا يدرى أيضا عن مقدار علمه الرجل محمد سرور بكلامه هذا يضلل الشباب ويصرفهم عن كتب العقيدة الصحيحة وكتب السلف ويوجههم إلى الأفكار الجديدة والكتب الجديدة التي تحمل أفكارا مشبوهة. Donc le cheikh il dit pourquoi donc on va retourner vers les idées de cet individu qui habite à Londres, qui s'appelle Mohamed Sourour Zain Abidine. Pourquoi on ne retourne pas aux livres qui sont entre nos mains, parmi les livres des Salaf al-Salih et les livres des ulama du Tawhid, qui sont écrits par des ulama, qui ne sont pas écrits par des écrivains ou des personnes cultivées, on ne sait pas c'est quoi leurs intentions, ou on ne sait pas c'est quoi leur degré de connaissance. L'homme, Mohamed Sourour, par sa parole ici, il veut égarer les jeunes. Et il veut les détourner des livres de Aqidah qui sont corrects. Il veut les détourner des livres des salafs et les orienter vers les idéologies nouvelles. Et les livres des idéologies nouvelles qui ont des idées qui sont douteuses. Parce que c'est ça ce qu'on appelle les mufakirin, ce qu'on appelle les penseurs islamiques. Eux, ils ont dit, nous on écrit des livres pour répondre aux problèmes de la vie actuelle et des questions contemporaine. Les livres de Aqida qui sont écrits dans le passé sont écrits pour une autre époque. C'est plus bon pour nous aujourd'hui. Ça sert à rien de lire ces livres-là. Il faut lire des livres écrits par les contemporains. C'est qui les contemporains? Mohamed Qutb, Sayyid Qutb, Mohamed Al-Ghazali, Youssef Al-Qardawi, et ainsi de suite. Hein? Puis, ces gens-là, quand tu retournes à leur Aqida, tu vois que leur Aqida est zéro. Ils ont une Aqida qui est complètement mélangée. Il mélange avec la philosophie, avec la croyance des Rafida, avec la croyance des Mu'tazila, avec des idées de Soufia, et il mélange tout ça. C'est pour ça qu'ils veulent pas que tu parles d'Aqida, parce que si tu commences à clarifier l'Aqida pour les gens, quand tu vas voir qu'est-ce que ces gens-là disent, tu vas savoir tout de suite qu'ils enseignent pas l'Aqida des Salaf al-Salih. Hein? Donc le Cheikh il dit, Kutub al-Aqida, afatuha inda Muhammad Surur, annaha nususun wa ahkam. فيها قال الله قال رسول الله وهو يريد أفكار فلان وفلان لا يريد نصوصا وأحكاما فعليكم أن تحذروا من هذه الدسائس الباطلة التي يراد بها صرف شبابنا عن كتب السلف الصالح. Donc il dit le blâme, le malheur des livres de Aqida selon Mohamed Sourour, c'est quoi? C'est qu'ils contiennent des versets et des hadiths et des règles de la charia. Donc, le mal, les choses qu'il reproche à nos livres de Aqidah, c'est quoi? C'est que dedans, c'est écrit, Allah a dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit. C'est ça le blâme pour lui. C'est ça le problème dans les livres de Aqidah. Lui, il veut quoi? Il veut les idéologies d'un tel et d'un tel. Il veut pas des versets, des hadiths, des règles de la charia. Donc, vous devez prendre garde de toutes ces infiltrations de fausseté que ces gens-là essaient de rentrer dans, parmi les jeunes pour les détourner des livres des salaf salih. Il dit ensuite, « Alhamdulillah, nahnu aghniya bima khallafahu lana salafuna salih min kutub al-aqaid, kutub al-da'wa, wa laysat bi uslubin jafin كما زعم هذا الكاتب بل بأسلوب علمي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أمثال صحيح البخاري ومسلم وبقية كتب الحديث ومن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ثم كتب السنة مثل كتاب السنة لابن أبي عاصم والشريعة للأجري والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكتب شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب فعليكم بهذه الكتب والأخذ منها فإذا كان القرآن جافا والسنة جافة وكلام أهل العلم المعتبرين فيه جفاف فهذا من عمل بصيرة كما قال الشاعر قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم والعقيدة لا تؤخذ إلا من نصوص الكتاب والسنة ولا من لا من فكر فلان وعلان. Donc le cheikh dit gloire à Allah subhanahu wa ta'ala que nous avons ce qui nous faut et ce qui nous suffit dans ce que nos salafs nous ont laissé comme livres de croyance, de aqida et des livres de da'wa. Et ces livres-là, ils ne sont pas sèches. C'est faux de dire qu'ils sont sèches. Bien au contraire, ils sont remplis de vie. Ils sont remplis de vie, ces livres-là. Et contrairement à ce que cet auteur prétend, Mohamed Sourour, ils sont écrits avec un style scientifique tiré du Coran et de la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Des livres comme le livre de Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, de même que les autres livres de Hadith, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le faux ne peut pas l'approcher ni par devant ni par derrière. Ça c'est des livres qui sont sèches. Le Coran il est sèche, les livres de Hadith ils sont sèches. Il y a des ulama quand ils ont entendu ça, comme Cheikh Ibn Baz et d'autres, ils ont dit ça c'est une parole de kufr si quelqu'un dit ça. Et ensuite les livres de la Sunna comme As-Sunna de l'imam Ibn Abi Asim, le livre As-Sharia de l'imam Al-Ajurri, le livre As-Sunna du fils de l'imam Ahmad Ibn Hanbal, les livres de Cheikh Ibn Taymiyyah et de son élève Ibn Al-Qayyim, et les livres de Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, ça c'est des livres qui sont sèches. Au contraire, quand tu lis ces livres-là, c'est là que tu sens ta foi qui bouge, qui se réveille avec les preuves qui sont mentionnées dedans. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il dit on doit prendre de ces livres là. Donc le cheikh il dit donc si comme le dit Mohamed Sourour, le Coran il est sèche, la Sunna il est sèche, les paroles des ulama sont sèches, alors ça veut dire que ces gens là sont aveuglés. Comme le disait le poète, il se peut que l'œil refuse ou rejette la lumière du soleil, et il se peut que la bouche trouve que l'eau elle a un mauvais goût à cause d'une maladie. C'est parce que la personne quand elle est malade dans son cœur, elle voit la vérité, elle l'accepte pas, elle trouve que c'est sèche parce qu'elle est malade, elle a un problème. Donc la aqida, on la prend uniquement des textes du Coran et de la Sunna, et on la prend pas des pensées ou des idéologies d'un tel ou d'un tel. On a posé la question, une autre question, le cheikh on lui a posé la question, soual. هناك بعض الإخوان ممن ينتسبون إلى طلاب العلم والدعاة، إذا تكلمت في بعض الأشخاص كالمسمى طارق السويدان والقرضاوي وحذرته منهما ومما لهما من أشرطة، قالوا لك هذان نفع الله بهما ولا يجوز لنا التكلم فيهما، فَمَا رَأْيُ فَضِيلَتِكُمْ. On a posé la question suivante au Cheikh Al-Fawzan. Il y a des frères qui s'apparentent aux Tulab ilm, aux étudiants en sciences islamiques et aux du'at, qui prétendent faire la da'wah, lorsque on parle contre certains individus, comme par exemple Tariq Souaydan ou Youssef Al-Qardawi, et qu'on met en garde contre eux et contre les cassettes qu'ils ont, ils disent, ils te disent, ces deux-là, Allah subhanahu wa ta'ala a ramené du bien à cause d'eux. Et il a fait profiter beaucoup de monde. Donc, on n'a pas le droit de parler contre eux. Quelle est votre opinion à ce sujet? Il y a cette da'wah qu'on entend à cette période-là maintenant, des gens qui essaient de dire on n'a pas le droit de parler contre personne. On n'a pas le droit de critiquer personne. Il ne faut pas dire rien sur quelqu'un qui parle de l'islam ou fait de la da'wah. Peu importe les erreurs qu'il a, ce n'est pas grave. Il ne faut pas parler ou critiquer quiconque. Le cheikh, il répond. Il dit, Al-Jawab, الواجب أننا نبين الغلط والخطأ ولا ننظر إلى الأشخاص كونه حصل منه بعض النفع لا يمنع أن يبين ما عنده من الغلط ومن الخطأ لأجل أن يجتنب أو يجتنب أو من أجل أن يتراجع هو أيضا فيكون فكون أننا نسكت عن أخطائه ونقول له ونقول إن له نفعا وله فائدة ونسكت عن أخطائه هذا غلط ولا يجوز السكوت عن الأخطاء بل تبين الأخطاء لأجل أن تجتنب ولأجل أن صاحبها يتنبه ويتركها ولو سكت العلماء عن بيان الأخطاء لانتشر الخطأ وانتشر الغلط وانتشرت شرور كثيرة فلا بد من البيان وليس غرضنا الأشخاص أو التنقص للأشخاص وإنما غرضنا حماية الدين دون مجاملة لأحد فنحن نحمي ديننا ونحمي عقيدتنا من الأخطاء ومن الأقوال الضالة دون مجاملة لأحد وديننا أهم علينا من الأشخاص نراعي ديننا ولا نراعي الأشخاص إذا اقتضى الأمر ولكن مع استعمال الأسلوب الحسن والحكمة والدعوة بالتي هي أحسن لا شك أن هذه الأمور مطلوبة استعمال الأسلوب الأمثل دون التجريح وهذا شيء مطلوب ولكن لا بد من بيان الحق يرضى من يرضى من بيان الحق يرضى من يرضى ويسخط من يسخط أي نعم donc le cheikh il répond il dit l'obligation pour nous, c'est quoi? C'est de clarifier l'erreur et la faute. On ne regarde pas les personnes. Le fait que certaines personnes, ils ont eu un effet bénéfique, ça n'empêche pas qu'on clarifie les erreurs qu'ils ont et les fautes qu'ils ont dans le but que les gens puissent s'écarter de ces erreurs-là. Ou bien aussi dans le but que ces personnes reviennent de leurs erreurs. Hein? Mais si on commence à se taire de ces erreurs-là et qu'on dise « Ah, mais ils ont fait du bien » ou « Ils ont ramené un bienfait quelconque », donc on va se taire, on ne va pas parler de leurs erreurs. Il dit « Ça, c'est une faute, ça, c'est une erreur. » On peut pas, il n'est pas permis de se taire des erreurs de quelqu'un. Il faut clarifier ces erreurs-là pour que les gens puissent s'en écarter ou bien pour que la personne qui a fait l'erreur prenne conscience de cette erreur-là et cesse de la faire. Mais si les ulama se taisent de clarifier l'erreur, eh bien les erreurs, elles vont se propager. Et la faute, elle va se diffuser. Et le mal va devenir grand. Hein? Donc il faut absolument qu'il y ait une clarification. Et notre but, c'est pas les personnes elles-mêmes. C'est pas de diminuer ou rabaisser les personnes elles-mêmes. Notre but, c'est de protéger la religion d'Allah. Sans essayer de faire, de plaire à quelqu'un. Non. Nous, on veut protéger notre religion. Préserver notre aqidah des erreurs. Des paroles qui sont des paroles d'égarement. Hein? Sans essayer de faire plaisir à quiconque. Notre religion, pour nous, elle est plus importante que les personnes elles-mêmes. Donc, nous, on préserve notre religion et non pas les personnes elles-mêmes. Si ça, c'est qu'est-ce qui est impliqué, c'est ça ce qu'on doit faire. Mais on le fait bien entendu avec une bonne méthode et avec sagesse et avec une da'wa de la meilleure façon. Et il n'y a pas de doute que dans ces questions-là, il faut faire preuve d'une bonne méthode, une bonne façon, sans essayer de blesser les gens. Et ça, c'est quelque chose qui est un objectif, c'est quelque chose qu'on doit essayer d'atteindre. Mais il faut absolument clarifier la vérité. Que ça plaise à qui ça plaît et que ça mette en colère qui ça met en colère. L'important, c'est qu'on clarifie la vérité. Donc, on va s'arrêter ici. Puis, Inch'Allah, on continuera au prochain cours. Bi'iznillah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته